Attention, attention, laissez passer les éléphants, les loups et les cochons. À toutes les quatre ou cinq années, dans nos vies, il vient débarquer. Précédé d'une éléphantesque publicité, à quoi bon lui résister? Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, accueillons tous le grand cirque présidentiel! Notre argent dans les airs. Ils tenteront aussi de nous faire peur et de nous dire ce qu'il faut faire. Prochain numéro, le grand débat d'idées. Tout cela dans le grand cirque présidentiel. Woo!